de manger du saucisson. Qu'est devenu notre beau pays? Les étrangers refusent l'intégration. Patrimoine d'Hyperborée, viens-nous en aide, nous t'implorons. Patrimoine d'Hyperborée, tu es le seul espoir de la nation. Patrimoine d'Hyperborée, viens-nous en aide, nous t'implorons. Patrimoine d'Hyperborée, tu es le seul espoir de la nation. Il est loin le temple Saint-Louis, qui luttait durant la guerre de Cent Ans contre la perfide Albion, lors de la bataille de Verdun. Depuis 50 ans, les politiciens français nous imposent l'immigration. Paul Deschanel, si tu voyais la France qu'ils annonçaient. Patrimoine d'Hyperborée, viens-nous en aide, nous t'implorons. Patrimoine d'Hyperborée, tu es le seul espoir de la nation. Patrimoine d'Hyperborée, viens-nous en aide.